Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 2587. Je ne sais pas ce que je fais. Nous sommes le 17 janvier 2024 et l'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt de Paul McCartney en 1989. On écoutera Figure of Eight, on écoutera My Brave Face, Put It There, Distraction, également Où est le soleil dans ma tête, travailler. Oui, c'est de Paul McCartney. Il y aura également Don't Be Careless Love. Et on fera un petit bonus avec Flying to My Home. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Remember sur Plastic Ono Band en 1970. George Harrison nous chantera I Love You Anytime sur l'excellent album All Things Must Pass en 1970 également. Pour rester dans la même année, en 1970, sur Sentimental Journée, Ringo Starr sort deux albums. L'album Sentimental Journée et l'album Beaucoup of Blues. Il a vachement bossé en 1970. Et sur Sentimental Journée, il nous produira la chanson Love is a Man's Splendid Thing, que vous connaissez et que vous appréciez beaucoup. Et Ringo la chante mieux que moi. Quant aux Beatles, ce sera Twist and Shout. Oui, tout à fait, Twist and Shout sur le premier album des Beatles. Mais là, nous le prendrons sur le Best of 62-66 Remix 2023. C'est-à-dire avec un son aux petits oignons, comme si la chanson était sortie là, hier, avant-hier. Voilà. Pour le reste, eh bien, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de la radio des Beatles. Le mercredi entre 20h et 22h, c'est RIG 90.7. petit aveu à vous faire qui date de 1989. La première fois que j'ai vu Paul McCartney, c'était le 10 octobre. Et à ce moment-là, j'avais 25 ans. Et je m'étais dit, lorsque a retenti la première chanson, c'était ça. C'était Figure of Eight, la première chanson. J'avais trouvé, bêtement, que... Oh, mais McCartney, il a du mal à atteindre la note Figure of Eight. En fait, c'est parce qu'il se chauffait la voix. Et au bout d'un moment, l'idiot de 25 ans que j'étais s'était permis de penser, il est pas mal le vieux de 47 ans quand même, il se débrouille encore bien. Non mais espèce d'andouille, 47 ans, c'est pas vieux du tout. Non, maintenant il en a 81, oui, ça commence à faire. Brahms en 1970. Le rythme enlevé de la partie piano de Remember rappelle la contribution de Paul à la chanson de John, A Day in the Life, et ajoute un sentiment d'urgence à ce qui est, par ailleurs, une chanson sans réel objet. Remember est constitué d'une série de flashbacks sans lien entre eux, associés à une exhortation à ne rien regretter. Alors même que John tentait d'échapper au poids psychologique du passé, il était nostalgique à un point inhabituel. Strawberry Fields Forever, baptisé d'après un endroit où il jouait enfant, en est l'exemple le plus célèbre. Dans She Said, She Said, il regrette son enfance lorsque tout allait bien. Dans Help, il exprime même le même parallèle entre la tranquillité du passé et l'angoisse du présent. Et In My Life évoque de nombreuses pages de sa mémoire. Il est intéressant de remarquer que les chansons centrées sur le passé sont celles qu'il considérait comme ses compositions les plus réussies. Quant au dernier vers, rappelez-vous du 5 novembre, ça semble être le point culminant de la chanson, mais ce n'est qu'une inspiration de dernière minute et John se délectait de la probable confusion que ça aurait pu faire auprès des journalistes sur de quoi voulait-il donc parler. Mais c'était ce qu'on pouvait dire sur cette chanson de John Lennon en 1970 sur l'album Plastic Ono Band. my silent heart and taught it how to sing. Depuis le début de cette émission, nous avons écouté Figure of Eight sur l'album Flowers in the Dirt par Paul McCartney. Il y a eu Remember sur Plastic Ono Band par Monsieur John Lennon. S'en est suivi George Harrison, I'd Have You Anytime sur All Things Must Pass. Et à l'instant, Ringo Starr, Love is a Many Splendid Thing sur Sentimental Journée. Puisque nous avons écouté John, Paul, Ringo et George, avant d'écouter les Beatles, il vous faut tout savoir sur le site qui vous permettra de tout savoir sur les Beatles. Ce site, c'est celui tenu par Lovely Rita. Mais je sais que vous le dites tous ensemble avec moi, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez, et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on. Reviens à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt, sorti en 1989. Un album de retour. Mais si on fait attention, c'est vrai que McCartney a été un petit peu en retrait dans les années 80 par rapport aux années 70. Mais il a eu quand même Pipes of Peace, il y a eu Tug of War juste avant, qui étaient vraiment de bons albums. Donc il avait bien démarré les années 80. Il a eu peut-être un coup de mou avec Give My Regards to Broad Street. Et encore, moi j'aime bien les chansons, j'aime bien ce qu'il a fait. Personnellement, l'album Press to Play, je l'aime bien. Il est peut-être un peu en dessous, mais bon. Et puis il a laissé passer du temps. 3 ans, qu'est-ce que c'est 3 ans? C'est pas énorme. Surtout qu'en 1987, il y a eu un best-of. Et qu'à partir de là, 1987, c'est peut-être un peu à cause de ça, enfin grâce à ça en tout cas, que l'album Flowers in the Dirt a eu autant l'attention. D'abord parce qu'il y a une très bonne chanson, mais également, en 87, c'est la première fois que les Beatles sortaient en laser. Et je me souviens, encore une anecdote personnelle, je me souviens d'avoir acheté le lecteur laser avec Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. C'était le premier disque laser que j'ai acheté en me disant, je vais découvrir ce que ça donne. Et en l'écoutant au casque, je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a des sons que je n'ai jamais entendus. Quelle pureté, quelle beauté. Ça, c'était en 1987. Et en 1989, donc, il sort l'album Flowers in the Dirt. Il revient en concert et après, il ne lâchera plus les concerts parce qu'il adore ça. Et cette chanson, My Brave Face, on l'a critiquée en osant dire « Ouais, ça fait Beatles !» Et lui, il a répliqué « Mais s'il y a des gens qui peuvent faire comme les Beatles, c'est nous, c'est George, c'est Ringo, c'est moi. On a le droit de faire les Beatles parce qu'on a été les Beatles, les gars. Donc, dont acte. » Voici My Brave Face qui sonne un petit peu comme du Beatles. Now that I'm alone again, I can't stop breathing. George Harrison. Le Seigneur aime celui qui aime le Seigneur. Ouais, c'est mieux en anglais. The Lord loves the one that loves the Lord. En 1973, sur l'album Living in a Material World. Pour la chanson suivante, je vais en surprendre plus d'un, puisque nous allons parler de Yoko. Oui, parce que j'ai rarement l'occasion de le passer. Sur Imagine, il y a une chanson qui s'appelle Oh Yoko. La voici sur RG. Sunday.

C'est sorti en face B de Can't Buy Me Love. Et dans cette chanson, John, plutôt que de pleurer, s'essaie à la menace. Il dit à son ami que s'il l'attrape en train de parler à un autre garçon, il l'abandonnera immédiatement. Il sait ce que l'on ressent lorsqu'on est trahi. Et il est persuadé de... Il est déterminé plutôt à ne pas laisser cela arriver une nouvelle fois. John expliqua plus tard que l'influence musicale la plus importante pour ce morceau avait été Wilson Pickett, un ancien chanteur gospel d'Alabama qui n'avait sorti que 3 45 tours sur son nom en Amérique, dont l'un avait remporté un succès d'estime. Ce n'est qu'après que son contrat eut été racheté par Atlantic Records en 1965 que Pickett se fit connaître comme l'un des plus grands chanteurs de soul des années 60, enchaînant les tubes comme Mustang Sally, 6-3-4-5-7-9-8-9 et surtout le Midnight Hour que vous connaissez aussi. Suite à une suggestion que lui avait faite le dit guitariste John Allman, Wilson Pickett enregistra en 69 une reprise de Hey Jude qui grimpa au sommet des charts américains alors que la version des Beatles y était encore inscrite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson You Can Do That, qui est une excellente chanson signée John Lennon. La suite, c'est le retour à l'album de la semaine, l'album Flowers in the Dirt, sorti en 1989 par Paul McCartney, avec ce petit souvenir de son père. Son père lui disait, si c'est trop lourd, pose ça là. Donc ça devient put it there. Put it there if it weighs a ton. Pose ça là si jamais ça pèse une tonne, quoi. If it weighs a ton. Weighs. Mon anglais laisse à désirer. Il va falloir que je fasse attention un peu. Vous êtes sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles. I wanna show you I'm your friend. You'll understand if I can make it clear. It's all that matters in the end. Put it there, if it weighs a ton. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I are here, put it there. Long as you and I are here, put it there. If there's a fight, I'd like to fix it. I hate to see things go so wrong. The darkest night and all its mixed emotions is getting lighter. Sing along. Put it there, if it weighs a ton. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. Aussi longtemps que toi et moi on sera là, pose cela. C'était Paul McCartney sur RG. Washed away. I've tried, but still they lead me back to the long winding road. You left me waiting here a long, long time ago. Sur l'album Let It Be Naked. C'est en gros la version que souhaitait Paul McCartney de l'album Let It Be qui devait s'appeler à l'époque Come Together, justement. Get Back. Je ne suis pas du tout à ce que je fais. Je vais revenir dans les bonnes rails, mais pas tout de suite. Laissez-moi encore quelques... Ben, j'ai un invité, hein, de toute façon, donc ça me perturbe. C'est pour ça aussi. Bref, l'album de McCartney, des Beatles, devait s'appeler Get Back et ça devait être un album de chansons avec uniquement ce que eux pouvaient faire à quatre, sans réenregistrement, sans tout ce que vous voulez. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque il a été engagé Phil Spector, qui lui a rajouté des violons, des chœurs, des ceci, des cela, et ça a rendu Paul McCartney complètement furieux. Une des causes de la séparation. Ouais, une des très nombreuses causes de la séparation, et Yoko Ono n'est pas la seule là-dedans, ça je vous le dis. Together Now sur RG. One, two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. I love you. The ship, boom, boom. Chop the tree, boom, boom. Skip the rope, boom, boom. Look at me, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now. Black, white, green, red, can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange and blue, I love you. All together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now. The tree, boom, boom. Skip the rope, boom, boom. Look at me. All together now. Alors là, vous vous dites, Thierry a passé une chanson qui s'appelle Dear Yoko tout à l'heure. Il n'osera pas quand même passer une autre chanson dans laquelle le titre est Yoko. Ben oui, c'est Dear Yoko en 1980. Sur l'album, en fait, c'est sur l'album de 2010. L'album Double Fantasy Stripped Down, donc avec un peu moins d'orchestration. Voici Dear Yoko sur RIG. Huey, Huey. Je ferai pas ça tout le temps. Ok, hein. Let's do it again right away. One, two, three, four. Well, hella, hella, even after all these years, I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear, dear Yoko. Even if it's just a day, I miss you when you're away. I wish you were here today, hey, dear Yoko. Even if it's just one night, I miss you when it don't feel right. I wish you were here tonight, dear Yoko. Even if it's just one hour, I wish you like a fading flower. Ain't nothing in the world like our love, dear Yoko. C'est extrait de l'album Extra Texture, Read All About It. D'où vient ce titre d'album? George Harrison avait beaucoup de mal à trouver et le nom des chansons et les titres des albums. Pour le nom des chansons, bon ben, ça venait comme ça voulait, mais pour le titre des albums, celui-là en tout cas, en 1975, il avait simplement une marque de pâte, pâte à consommer, à manger. Et sur cette boîte de pâte, il y avait marqué « Extra Texture, Read All About It ». Et il s'est dit, ben, ça fera un nom d'album. Tout simplement, faut pas aller chercher loin. C'est pour ça peut-être qu'en 1979, il a appelé son album George Harrison. Parce qu'il s'est dit, on va pas chercher loin, hein. J'ai pas d'idée, alors on va l'appeler George Harrison. Il l'avait jamais fait, donc pourquoi pas. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette très belle chanson, en tout cas, et de ce bon album de George Harrison. Nous revenons maintenant à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt, sorti en 1989 par Paul McCartney. Voici un nouveau titre, Distractions, sur RIG. Persuades me to spend time away from you. If you can answer this, you can have the moon. This is the place to be. Flies are buzzing round my head. When I'm alone, I think of you and the life we'd lead if we could only be free from these distractions. The postman's at the door. While the telephone rings on the kitchen wall, pretend we're not at home and they'll disappear. Ooh. I wanna be with you. Tell me what I can do. Nothing is too small. Flies are buzzing round my head. When I'm alone, I think of you and the things we do. If we could only be through with these distractions. You Arrivons maintenant à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles, ou une fois leur carrière éclatée et séparée en solo, donc si vous préférez. Et même si eux, John, Paul, Ringo ou George, reprennent quelqu'un aussi, il faut que un artiste, ou vous peut-être, ça m'est déjà arrivé de passer une chanson. Bah, la preuve, la semaine dernière, c'était un collègue américain, californien même pour être exact, il nous a fait une superbe version de John Lennon, de Julia. Et donc, vous pouvez être le héros ou l'héroïne de la cover. Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un de connu. Il s'appelle Chris de Burgh. Rappelez-vous, en 1984, c'était « I am high on emotion ». C'était lui. Eh bien, en 1998, je crois, il va falloir que je vérifie ça. En 2008, pardon, j'étais à 10 ans près. En 2008, sur un album qui s'appelle Footsteps, il a repris il a fait sa version de Blackbird, que je vous présente en tant que cover de la saga des Fab Four. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. Only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird. Black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. This moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Let's go. Back, back, back. fois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Where everything flows. Look into the bent back tulips to see how the other half lives. Look into a glass onion. I told you about the walrus and me, man. You know that we're as close as can be, man. Well, here's another 2 feet long. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Nous vous êtes dans la saga des Fab Four numéro 587 et j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas trop sur internet ce soir pour des raisons personnelles. Moi j'ai un pote qui est avec moi donc Étant donné qu'on discute beaucoup de plein de choses, du boulot et pas seulement des femmes, des... Mais enfin, c'est quand même à moi de vous dire que si vous ne savez pas où se trouve le soleil, McCartney le savait, lui. Une chanson potache, un truc pour rigoler. Ouais, McCartney n'a pas fait que des choses exceptionnelles. Mais celle-là est marrante. Où est le soleil? Dans ma tête. Travaillez. C'est un des bonus de l'album Flowers in the Dirt en 1989. sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. De la différence. En 1962, Love, Love Me Do, You Know I Love You. Et puis là, Love Is All You Need, une chanson absolument divine de qui est l'amour partout sur toute la Terre. Quel dommage que ce soit pas vrai. Qu'on n'ait pas l'amour partout sur toute la Terre. En tout cas, par rapport à... Allez, je vais faire mon vieux papy de 60 ans bientôt. Dans les années 60, les Beatles, en tout cas, prônaient l'amour. Maintenant, il y a beaucoup du t'es dans la rue, je fais que les machins et tout ça. Hein, je vais pas le dire à l'antenne quand même, mais bon. En 1987, il y a un gars qui revenait également. Il n'avait pas fait d'album depuis 1982, c'est George Harrison. Lorsqu'il nous sort Cloud Nine en 1987, il s'amuse à faire un clin d'œil aux Beatles. Et c'est un clin d'œil réussi. Regardez le clip, trouvez-le sur YouTube, le clip When We Was Fab. C'est ce que je vais vous proposer maintenant. C'est très très sympa, en plus il y a son pote Ringo Starr dessus. Voici la chanson par George Harrison. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze. Arrived like strangers in the night. Long time ago, when we was fab. During the morning light, casualties at dawn, and we did it all. était à la batterie. On va le retrouver en 1981 sur l'album Stop and Smell the Roses. Ce sera avec la chanson You Belong to Me dans quelques instants. Et dans une petite demi-heure à peu près, ce sera Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z. Vous allez voir, il est merveilleux Eric. C'est pas pour rien que c'est un ami. See the pyramids across the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the jungle when it's wet with rain. See the ocean from a silver plain. Just remember till you're home again, you belong to me. Graphs and silver news. Just remember till your dream appears, you belong to me. Oh, I'll be so alone without you. où? Mais il est là, Eric, je vous dis. C'est John Lennon en 1974 sur Walls and Bridges, Scared sur la RIG. Il va falloir accélérer, sinon on sera jamais dans les temps. Donc je vous propose de passer le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt par Paul McCartney en 1989. Et ce titre, Don't Be Careless Love, sur RIG. Cette chanson est en bonus sur l'album Flowers in the Dirt, mais j'avais envie de vous la proposer parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très, très bien. On va accélérer encore si on veut essayer de tout passer avec John Lennon en 1973. Et cette chanson, qui n'est pas une grande chanson de John Lennon, mais qui est rock'n'roll et qui est marrante, ça s'appelle Mid City sur RG. Avec deux Beatles. C'est parti, Drive My Car sur LG. Dans quelques minutes, ce sera Eric. I told a girl like my

and sisters, fathers and mothers, misses and misters, workers and lovers, thank God. Encore une émission qui se termine avec un tout petit retard, oh, presque rien. Et dans quelques secondes, ce sera Eric et sa fabuleuse émission Johnny de A à Z qui va être extrêmement rock, m'a-t-il dit. Je vous souhaite d'abord une bonne écoute d'Eric, je sais que ça va très bien se passer. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 587. Je bats Eric de je ne sais pas combien d'émissions. À très bientôt, salut, ciao.